Chapitre 11. Dès que Laure eut pu se recueillir, elle s'inquiéta sérieusement de revoir M. de Brouilly, et dans ce but elle fut assidue à croiser en voiture devant la place du Bois de Boulogne où il lui était arrivé de le rencontrer. Tout fut inutile. Elle ne pouvait pas aller rue de Verneuil. Elle se décida à écrire, bien que, par expérience, le sort des lettres lui semblât fort problématique. Mais la délicatesse la plus élémentaire ne lui permettait pas de rester muette en face d'un pareil bienfait. À vrai dire, la fille de Charlotte ne s'était jamais préoccupée de savoir si Paul était plus ou moins riche. Elle l'avait cru dans une aisance conforme à sa naissance et aux habitudes qu'elle lui voyait. Puis le service immense et inespéré qu'elle avait reçu de lui trahissait des ressources financières considérables, ce qu'elle ne pouvait imaginer, car le gentilhomme s'était abstenu de toute réflexion à cet égard. C'est qu'il eût éventré, pour sauver la jeune femme, le seul baril d'or dont se composait sa fortune personnelle. En aucun cas, Madame Berwick ne pouvait demeurer inactive, ni ignorante de ce que le comte était devenu. Son cœur aimant et reconnaissant lui avait fait d'ailleurs une telle nécessité de voir celui qu'elle appelait son père, que peut-être elle eût choisi sans hésiter la misère, si on lui eût donné le choix d'être pauvre et de garder son ami, ou de lui dire un éternel adieu pour conserver l'opulence. Si la société de M. de Brouilly eût été celle des Berwick, peu de jours auraient suffi pour permettre à Laure de se renseigner. Mais les couches sociales sont si distinctes à Paris qu'une étrangère, surtout comme Madame Berwick, ne savait comment s'y prendre. D'ailleurs, les questions irréfléchies sont toujours dangereuses dans un monde nouveau que l'on connaît mal, et le premier mot qu'elle aurait prononcé devant un tiers indifférent aurait pu provoquer notamment au moins cette réflexion. En quoi M. de Brouilly peut-il intéresser Madame Berwick? Ce qui l'affligeait le plus, c'était la crainte que Paul ne fût malade, ou qu'il eût clos ses relations avec elle par un bienfait, avec l'arrière-pensée de ne pas les prolonger. Elle lui écrivit donc: « L'enfant que vous avez sauvé d'un si grand péril ne peut s'habituer à ne plus vous voir. J'ai le besoin absolu de vous dire que votre bienfait n'a pas été stérile, et que vos instructions ont été suivies de point en point. Je ne voudrais pas que la situation compromise, puis par vous rétablie, fût la seule preuve que vous eussiez de ma reconnaissance. D'ailleurs, en recevant, vous savez que j'ai résolu de rendre. Ne me laissez pas languir sans nouvelles de vous. » Cette lettre demeura sans réponse. Les jours, les semaines se passèrent ainsi. Madame Berwick avait beau se dire « S'il s'abstient, c'est par nécessité. » Cette nécessité l'épouvantait. L'infernal banquier y était-il pour quelque chose? Il se doutait que M. de Brouilly avait joué un rôle dans cette aventure, mais son intérêt même lui commandait de ménager un ennemi, en qui il avait trouvé un pareil allié. Dans quel but alors se serait-il arrêté à un autre parti? Après tant de petites infamies, le juif s'avisait-il d'un tardif scrupule d'honneur? Voulait-il ignorer officiellement qu'il avait été sauvé par l'amant de sa femme? Laure creusa la question et ne trouva rien. En attendant, Berwick vivait en côtoyant sa femme sans la froisser. Il ne lui marquait qu'une courtoise indifférence. S'il continuait à l'espionner et à la faire espionner, comme cela était plus que probable, qu'aurait-il découvert puisqu'il n'y avait rien? Le gros de l'hiver se passa. Le banquier paraissait content de ses affaires. Il menait sa femme au spectacle, et Paul était aussi invisible dans les théâtres que dans la rue. L'hôtel de la rue de Verneuil avait été vendu à huis clos, sans quoi la publicité de cette vente serait apparue à la quatrième page de quelque journal, et Laure en aurait été avertie. La seule explication plausible pour elle était la maladie ou l'absence, mais elle ne se serait jamais avisée de la ruine. Cependant, il est bien rare que la volonté d'une femme qui aime n'arrive pas à ses fins. Quand les jours plus longs et meilleurs permirent à Madame Berwick de sortir à pied, elle commença par habituer ses argus maîtres et valets à des sorties très apparentes, avec un but très avéré pour objet. Tantôt elle se faisait conduire en voiture à quelques points des promenades les plus rapprochés, les Champs-Élysées, le parc Monceau, et, descendue là, elle renvoyait ses chevaux pour rentrer à pied. Tantôt elle portait ostensiblement des secours à quelques familles pauvres, dont elle donnait l'adresse. Ceci expliquait ses sorties matinales. Elle ne s'en fit pas faute, et pour le bel air, comme pour son propre crédit, Berwick fut flatté en apparence d'avoir pour femme une dame de charité. Mais la charité sert trop souvent de prétexte à des fugues féminines qui n'ont rien de trop catholique. Berwick le savait, et il est probable que l'or était fréquemment suivi. Toutefois, elle ne se démentit point. Elle cherchait M. de Broglie sans le dire, et ce fut d'une fruitière de la rue de Verneuil qu'elle apprit enfin que le comte avait déménagé. Toutefois, il fut impossible à ces deux femmes de dire où elle était allée. Il restait à savoir quel chemin son mobilier avait pu prendre, et il fallait pour cela s'adresser aux entreprises de déménagement. Mais cette recherche, faite un peu au hasard, n'aboutit point, et elle pouvait d'autant moins aboutir que les meubles avaient été non déménagés, mais vendus. Quelque soin que Paul eût pris de laisser ignorer sa retraite, Madame Berwick, rencontrant un jour le double poney noir sur lequel elle avait vu jadis le comte au bois, eut la hardiesse de faire signe au palefrenier, qui le montait, et de lui dire, avec un sans-gêne dont elle ne se serait pas cru capable, « Cette jolie bête appartient à l'écurie du comte de Broglie, n'est-ce pas ?»« Pardon, madame, elle est à présent à monsieur de Charintru. »« Ah, depuis quand le comte l'a-t-il vendue ?»« Oh, dit le palefrenier, cela remonte à plusieurs mois. » »« Et sait-on où le comte demeure à présent ?»« Monsieur le comte, répondit le domestique, demeure rue de la Condamine, aux Batignolles. » Madame Berwick était enfin en possession du renseignement qui lui avait coûté tant de soins, de recherches et de peines. Elle pouvait sauter dans une voiture de place et courir sur le champ à l'adresse indiquée. Savoir enfin, par suite de quelles étranges circonstances, un habitant du faubourg Saint-Germain avait émigré au fond d'un quartier où les hommes portent des abat-jours verts. Mais un scrupule l'arrêtait. Elle, qui avait toujours respecté, et pour cause, les pénates de la comtesse Blanche, ne pouvait encourir l'étonnement douloureux qu'elle lui causerait rue de la Condamine comme ailleurs. Malgré son impatience, elle voulut prendre le temps de la réflexion jusqu'au lendemain, et dès le matin, elle partait décidément pour les Batignolles. On sait ce qui s'y passa. On sait qu'alors Paul de Broglie, malade, confinait dans une obscurité calculée ses malaises et sa tristesse, et que Blanche en était parfois réduite à ouvrir elle-même sa porte. La fatalité qui avait déjà livré une lettre de Paul à Berwick fit tomber entre les mains du banquier la réponse écrite de Paul à la démarche de Laure. Cette réponse, adressée à Madame Laure Winmer, intrigua plus Berwick que si elle eût été adressée à Madame Berwick. Donc il l'ouvrit, et comme le comte y parlait de présenter Madame de Broglie à Madame Berwick, il jugea qu'il était habile de donner cette lettre à sa femme, et d'attribuer la rupture du cachet à une inadvertance. Du tout il résulta pour Laure que Paul était malade et ruiné, que sa ruine avait été la cause de son silence, et qu'il avait poussé la générosité jusqu'à dérober à sa fille la cause réelle de son malheur. La nécessité d'une restitution se dressa devant elle. Si le banquier prospérait, il fallait que le remboursement commençât. Mais si M. et Mme de Broglie se présentaient chez elle, Laure pourrait-elle, sans indiscrétion, faire une allusion quelconque aux fêtes accomplies? Pourrait-elle dire à Paul devant Blanche qu'elle était débitrice et qu'elle songeait à s'acquitter? Et avant tout, Paul avait-il eu seulement connaissance de la dernière lettre adressée par elle rue de Verneuil? La réponse du comte faisait allusion à la visite, mais point à la lettre. Elle se fia au hasard du soin de faciliter une tâche aussi difficile. Seulement la visite annoncée se fit inutilement attendre. La convalescence de Paul n'était donc pas encore déclarée. Laure se dit bien qu'elle devait questionner son mari sur l'état actuel de ses finances et insinuer de quelque manière qu'elle avait besoin d'argent. Mais dès que cette allusion à l'existence du reçu en eut ravivé le souvenir dans l'esprit du banquier, celui-ci recommença à demander ce que cette pièce compromettante était devenue. Il en parla un peu tous les jours, puis il manifesta de l'impatience de ce que Laure ne lui répondait point. Puis il menaça Laure d'indiscrétion qui pourtant ne pouvait émaner que de lui, et dont il aurait été la première victime. Il voulait que Laure lui montrât au moins le reçu, pour l'aider à s'en rappeler les termes, et pour voir de quelle manière il était forcé de tenir son engagement. Laure continua à dire qu'il n'était plus en sa possession. Le banquier eut beau prétendre que sa caisse devait être le dépôt des affaires et des secrets de famille, et que rien n'était en sûreté que là, Madame Berwick fut inexorable. Elle allégua que pour payer ses dettes personnelles, elle se contenterait de 50 000 francs par an, mais qu'elle tenait à honneur de les solder. « Eh bien, dit Berwick, je ne veux rien rendre jusqu'à ce qu'il m'ait été prouvé que ces malheureux 300 000 francs ne sont pas le prix de notre déshonneur. Vous voyez le comte presque tous les jours, et ce n'est apparemment point pour parler politique ensemble. L'existence de ce reçu dans des mains tierces me tient sous le couteau. Le reçu doit être modifié en tout cas. Si vous étiez bien inspiré, vous feriez ce que je vous demande, ne fût-ce que pour prévenir le scandale d'un procès entre nous. Laure, alarmée, vit bien que son mari allait en revenir aux emportements et aux violences, tandis qu'à elle-même, sa conscience lui faisait un devoir de secourir son père, comme lui-même l'avait secouru. On était alors à la fin de mars. Un beau jour, Berwick se disant épuisé par le travail et dominé par un ardent besoin de respirer un meilleur air que de l'air de Paris, annonça qu'il avait loué une propriété d'agrément et qu'il allait s'y rendre. Sans autre forme de procès, il pria sa femme de se préparer à le suivre. Et comme elle lui demandait en quel pays se trouvait cette propriété, il lui répondit qu'il tenait à lui ménager une surprise. « Mais du moins, lui dit-elle, emporterai-je ce qu'il faut pour une absence de 8 jours ou de 3 mois, et pour habiter les Ardennes ou la Provence ?»« Peu importe, lui dit-il, emportez ce qu'il faut pour demeurer n'importe où et partout. Quant à la durée, elle dépendra du bien que cette absence pourra me faire. Il est temps que je songe à sauver la barque en sauvant le pilote. Vous êtes la dernière à vous apercevoir que ma santé s'altère profondément, et de plus en plus. » Puis, dès le lendemain de ce jour-là, il annonça son départ pour le soir même. Madame Berwick, prêtant à son mari quelques desseins sinistres, n'avait plus ni le temps ni aucun moyen de communiquer avec M. de Broglie. Les malles furent improvisées. L'appartement de la rue d'Anjou fut fermé, et à la nuit close, après un dîner silencieux, auquel Laure ne toucha point, un omnibus de famille conduisit les deux époux à la gare Montparnasse. Laure espéra du moins connaître la destination lorsque Berwick prendrait les billets. Mais il la fit entrer dans la salle d'attente des premières, pendant qu'un domestique allait au guichet et faisait enregistrer les bagages. Elle monta donc en voiture, littéralement sans savoir où elle allait. Pour comble, elle se trouva seule dans le compartiment avec Berwick.